Bonsoir. Bienvenue à cette conférence du vendredi, ayant pour titre « Les mystères de Shambhala et de l'Agartha ». Non. C'est pas ça? Oui, mais c'est pas une danse. Ah, c'est ça que je pensais? Oui, c'est ça. Je réponds non. Une lambada? Non, c'est pas ça. Ça aussi, c'est mystérieux. Ah oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça? Non. Est-ce que c'est aussi attirant? Ça dépend qu'est-ce qui nous attire. Ça dépend pour qui, c'est ça. Là, il faudrait qu'on cesse d'être télépathes. Il faudrait que tu commences à parler. C'est ça. J'ai essayé de penser. Qu'est-ce que c'est, la Shambhala, la Agartha? La Shambhala, je ne le sais pas, mais Shambhala, je sais ce que c'est. C'est une cité secrète, dans laquelle, traditionnellement, une partie des maîtres du monde se retrouve emprisonnée. L'Agartha, c'est aussi une cité secrète dans laquelle, selon la tradition, une autre partie des maîtres du monde se trouve à vivre. Ceux qui sont emprisonnés, est-ce que c'est une cité réelle, physique, ou si c'est dans l'astral, ou à quelle place c'est situé? C'est ça. C'est réel et physique, c'est dans l'astral, et Shambhala est situé dans les montagnes de l'Himalaya, près du Tibet. Il y a des embouchures au Népal. La majorité des embouchures sont en territoire tibétain. L'Agartha est située au pôle Nord. Il y a des embouchures au Québec. Et il y a quelques embouchures un peu partout ailleurs en Amérique et en Union soviétique. Est-ce que c'est sur le sol ou sous le sol? C'est sous le sol. Dans les deux cas? Dans les deux cas. Shambhala, c'est une cité qui a été construite dans des cavernes. Elle a été créée il y a de cela quelques années. On peut parler de même près de centaines de milliers d'années. Et Shambhala, c'est une cité qui a été construite par les êtres humains qui dominaient à l'époque. Et astralement, elle a été construite aussi par l'âme des personnes dominantes. Alors que l'Agartha a été créée par les personnes servantes. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu dans l'échelle planétaire, au niveau de l'évolution des différentes humanités, des personnages qui, dans leur évolution, ont été des dominants. On appelle cela souvent des magiciens noirs, des sorciers. Et ils ont progressivement engendré des sectes, et cette secte a fini par se retrouver dans l'Himalaya, là où il y avait à l'époque suffisamment de chaleur, c'était pas aussi froid et aussi enneigé qu'aujourd'hui, et il y a encore des microclimats dans certaines régions de l'Himalaya, et il y a donc certaines sorties qui sont sous des nuages dans des microclimats. Certains Tibétains connaissent certaines entrées de Shambhala, et la majorité des traditions ésotériques secrètes ou des écrits, des bibliothèques qui existaient à Lhasa, au Potala, capitale mondiale du Tibet, l'un des grands monastères tibétains de l'époque, un peu avant que la Chine envahisse le Tibet. La majorité de tout ce qui avait été placé là, c'est un peu comme la bibliothèque du Vatican, mais sauf que c'est du Vatican tibétain, donc bouddhiste, a été déplacé vers Shambhala. Et régulièrement, les personnages qui ont vécu et qui ont été extrêmement puissants aux Indes, surtout donc des descendants de la race aryenne, première sous-race de notre race aujourd'hui, la race blanche, point de vue neuronique, se sont retrouvés dans le contexte de Shambhala. Je donnais un exemple la semaine dernière d'une émission de télévision qui était assez connue, c'était Les Champions. Et la première émission que tout le monde a à peu près toujours manqué, on a toutes vu les autres. Première émission, c'est des services secrets suisses. Bon, ils sont en mission, ils traversent la Chine, ils vont s'écraser au Tibet et ils vont se faire ramasser par des personnages mystérieux qui vont les amener dans des grottes. Et là, quand ils vont se faire soigner et quand ils vont se partir de là, ils vont découvrir progressivement qu'ils sont télépathes, qu'ils sont forts, qu'ils ont un paquet de dons. Et par la suite, on aura donc... ça, c'est la raison qu'on aura donnée à ces trois personnages-là pour qu'ils deviennent justement des champions. L'émission de télévision, la base est prise justement à Shambhala, c'est-à-dire que ce seraient des personnages, donc des Tibétains, des maîtres, et sinon des maîtres du monde, habitant Shambhala, qui les auraient récupérés et qui les auraient ramenés, les auraient rectifiés physiquement, psychologiquement, biologiquement, pour qu'ils deviennent, comme ils vont le dire dans l'émission, les champions de la paix et de la justice. C'est l'idée effectivement traditionnelle qu'on a de Shambhala, qui est une idée où on a des maîtres qui ont comme fonction ou comme désir de faire en sorte que l'humanité devienne blanche, devienne belle. Mais est-ce que tantôt tu disais que c'est des maîtres, ils font de la magie noire, ou c'est l'énergie, c'est le côté noir qui est là? Donc... Oui, ils ont été emprisonnés par les maîtres de l'Agartha. Ils ont été emprisonnés. Oui, dans Shambhala, ce sont des prisonniers. Des maîtres du monde prisonniers. On va y revenir, on fera un petit détour. Ils ont été emprisonnés par l'Agartha, par les maîtres de l'Agartha. Les maîtres de l'Agartha sont des personnages qui, dans l'évolution, vont apparaître après les maîtres dominants. C'est-à-dire qu'au début, l'animal humain a toujours une seule vision des choses, c'est de dominer. Alors, plus il a de femmes à l'époque, plus il est riche, plus il est puissant. Plus il aura d'animaux, plus il sera puissant aussi. Aujourd'hui, c'est le contraire. Plus tu as de femmes, plus tu es pauvre. Ah, c'est évident. Les choses se sont améliorées. Mais est-ce que tu es pauvre? Non. Ça... Comme ça? Oui. Mais... Probablement qu'il y en a un qui pense à fort. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est facile. Ah, une chance qu'on est télépathe, on peut remettre ça sur le dos des autres. C'est bien. Alors, donc, les ceux de l'Agartha sont des personnages qui, par la suite, vont commencer à découvrir qu'il y a aussi une façon d'évoluer en ne détruisant pas le contexte extérieur, donc en étant un peu plus écologiste, conséquentiel, et ils vont commencer à évoluer en servant l'humanité. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir aider, mais aider réellement. Donc, ils vont se faire les serviteurs de l'humanité, un peu comme le Nazaréen pouvait l'être, un peu comme Bouddha l'a été, ou comme un paquet d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les maîtres de Shambhala qui vont progressivement engendrer des esclaves, des maîtres servants. Et ces maîtres servants vont travailler donc avec de la magie blanche plutôt que de la magie noire, c'est-à-dire qu'ils vont accepter de se donner à l'humanité plutôt que de prendre à l'humanité. Et ils vont être à l'origine les serviteurs des maîtres de Shambhala, qui à l'époque est libre. Et progressivement, ils vont avoir accès à une conscience de plus en plus puissante, à une énergie de plus en plus puissante qui n'est pas réservée. C'est-à-dire qui est réservé à ceux qui fonctionnent dans le côté écologique, donc dans un côté d'intelligence. Et progressivement, les maîtres de l'Agartha, les esclaves de Shambhala, vont finir par se dissocier de Shambhala. Ils vont finir par devenir plus puissants que les maîtres de Shambhala. Et ils vont finir par dominer les maîtres de Shambhala, donc ils vont les enfermer. Mais ils ont enfermé comment, physiquement? C'était un grand maître du monde, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de serrures ou de portes qui m'empêcheraient de sortir. Oui, il faut comprendre l'idée, c'est que... C'est un grand maître du monde, tu es dans le contexte shambhalien, tu es un maître dominant. Donc un maître manipulateur qui tient à dominer. Par contre, les maîtres de l'Agartha ont tout fait pour que l'humain de plus en plus s'associe à des dieux et pour que l'humain de plus en plus s'associe à sa propre conscience. Donc pour que l'humain ne soit plus aussi facilement dominable. Et la problématique, c'est qu'au niveau de Shambhala, il y a à peu près plus d'humains qui sont facilement dominables comme on en avait à l'époque. Et les seuls peuples qui sont facilement dominables par les maîtres de Shambhala sont les peuples sous-développés et les peuples qui souvent sont involués psychologiquement. Donc, des peuples qui ont encore comme vision la domination des autres peuples ou la domination des autres humains. Alors, dernièrement, je voyais une émission de télévision où on présentait les sports du monde. Et dans l'un des sports, c'était un sport très intéressant. On devrait faire ça ici dans la rue de Montréal. Alors, on monte à cheval et on prend un coq, on l'attache après une corde. Et puis, il y a un bonhomme qui est monté sur un camion. Puis, quand les cavaliers passent, ils essaient d'accrocher le cou du coq pour l'arracher. Puis, l'autre, il tire sur la corde pour que le coq rebondisse. Alors, je trouvais ça un petit peu très humain. Mais quand j'ai vu que la première fois, il y en a un qui a accroché le cou du coq, qui a tiré dessus, il n'a pas été capable de l'arracher, donc ça a lâché. Là, j'ai vu que le coq gigotait. Il était vivant. Alors, en plus, le coq est vivant. Ça, c'est un genre de peuple dominable facilement par les maîtres de Shambhala. Et c'est souvent ce qui va arriver, ce sera les maîtres de Shambhala qui vont dominer les peuples décadents ou les peuples qui sont encore au niveau de leur conscience inécologique, qui n'ont pas de vision, ne sont pas capables de compassion intelligente, ni même souvent de compassion astralisée, donc de compassion psychologique. Alors, les maîtres de Shambhala sont enfermés en ce sens qu'ils n'ont plus et ils ont de moins en moins accès à l'humanité. Est-ce que les maîtres de Shambhala viennent d'un peu partout dans le monde ou s'ils sont cultivés au Tibet? Ou... La majorité des maîtres de Shambhala viennent soit de l'Atlantide, soit de l'Inde et du Tibet. Donc, ce sont des maîtres qui sont cristallisés à l'époque du début de la race indo-européenne. Donc, ça fait quand même quelques années, un petit peu vers Bouddha. C'est pas d'hier. Est-ce que ces maîtres-là sont en voie de disparition ou si ça non. va être éternel ou perpétuel? Ces maîtres-là sont en voie de libération. Au niveau de Shambhala. Ils vont être libérés comment? Pour la simple raison, ils vont être libérés comment? Pourquoi? Premièrement, on va juste faire un petit tour avec l'Agartha. On comprendra pourquoi ils sont en voie de libération. Et si on fait juste un petit résumé, c'est que plus l'humain se conscientise, plus l'humain arrive à des époques d'adolescence, donc l'humain arrive à des époques de transition. Quand l'humain est dans une époque de transition, comme présentement, il y a beaucoup d'êtres qui sont dans une époque de transition mentale ou supramentale, c'est-à-dire qu'ils ont de plus en plus un contact avec de l'intelligence, ils ont de plus en plus une fièvre de rejeter les traditions, de rejeter les maîtres, de rejeter les autorités toutes faites, et ils veulent comprendre, ils sont de plus en plus capables d'amour intelligent et non pas uniquement d'amour psychologique conditionnel. Il y a de plus en plus d'individus capables d'utopiser, cela veut dire capables de rêver à une société qui serait intelligente, on peut dire meilleure si on veut, mais meilleure que meilleure. Et ces personnes-là, souvent, se voient confrontées entre l'intelligence qui commence à descendre chez eux, donc leur propre esprit, et la réalité, ce qu'eux appellent la réalité, c'est-à-dire la vision colorée du monde astral, où ils vont découvrir que finalement, il y a des prédateurs humains même dans les rues. On parlait à un moment donné juste des personnes qui enlèvent les enfants pour les violer, puis par la suite, ils vont les tuer. Alors, on est obligé de dire à des jeunes aujourd'hui dans notre société de faire attention quand il y a ceci, quand il y a cela. Une personne qui, à un moment donné, est en train de vivre une transition supramentale, donc une personne qui s'éveille à une conscience neuve et qui se détache d'une conscience traditionnelle, une conscience livresse, une conscience du passé, une conscience collective, elle est souvent confinée et confrontée à découvrir que ce qu'elle veut vivre n'est pas nécessairement vivable actuellement, ce n'est pas accessible, et par contre, ce qu'elle doit vivre est quelque chose qu'elle veut totalement rejeter. Alors, à un moment donné, les personnes finissent par être allergiques à la réalité réelle, actuelle, et ils finissent par ne pas être suffisamment énergisés par leur utopisation, donc ils n'ont pas suffisamment de patience supramentale pour attendre un peu. Ces personnages-là sont des personnages qui sont facilement recontrôlables par les maîtres de Shambhala. Pourquoi? Parce que ce sont des personnalités qui, à un moment donné, vont, par frustration en face de ce qui est bien, parce que tu ne l'as pas, tu ne fais que le voir, tu y goûtes un petit peu de temps en temps, mais tu ne peux rien faire avec. Donc, par une forme de frustration, ils vont rejeter l'évolution. L'évolution de l'humanité, l'évolution de leur propre famille, l'évolution de leur lignée génétique, l'évolution de leur propre conscience. Et à un moment donné, ce sont des personnes qui peuvent développer un ego. Un ego, j'appelle cela des MTS, des martyrs de la transition supramentale, il y en a plusieurs. Un ego qui devient un peu plus violent, un peu plus dominant. Un ego mental, un ego mental, c'est comme on expliquait un peu avec le problème des Mohawks. À un moment donné, si les Mohawks placent un enfant devant une barricade, les policiers ne pourront pas tirer. Si on aurait une personne, justement, facilement dominée par les maîtres de Shambhala, suffisamment mentale, si elle est placée du côté des policiers, elle va descendre l'enfant sans problème. Puis après ça, elle aura une raison mentale à donner, ça sera, bien, ils n'en mettront plus d'autres, donc on va sauver beaucoup d'enfants. Et elle aura raison. Sauf que ça, c'est typique d'une domination shambhaléenne, où on va, par une shambhaléenne actuellement chez les MTS, donc chez ceux qui sont martyrs de la transition supramentale, ceux qui ne sont plus capables de vivre avec ce qu'ils ont vécu émotivement parce qu'ils découvrent que l'émotion nuit, fait vieillir, rend malade, fait souffrir, ne nourrit pas suffisamment, est toujours à entretenir, quelles que soient les émotions. Alors, une personne qui découvre cela finit par découvrir un autre plan qui est le plan du mental et au lieu d'émotiviser les choses, elle va mentaliser les choses, mais la mentalisation manque d'intelligence. La mentalisation, c'est une logifération, c'est-à-dire qu'on va voir logiquement des choses, mais en fonction uniquement de ce qu'on a appris. Donc, c'est très, très, très limité, très problématique, la mentalisation. Et les personnages qui arrivent à une mentalisation sont des personnages qui ne peuvent plus vivre, mais ne se suicideront pas parce que le suicide est aussi stupide que la vie. Des personnages court-circuités. Ce qui engendre une souffrance assez puissante au niveau du mental, au niveau de l'ego aussi. Et la personne est un peu masochiste, mais c'est une personne qui devient implacable. Les maîtres de Shambhala vont donc pouvoir retrouver prochainement, il y en a quelques milliers au Québec, mais il y en aura de plus en plus. Ce n'est pas nécessaire d'être un MTS pour traverser, donc c'est comme l'adolescence de l'humanité. On peut vivre une adolescence problématique, on peut vivre une adolescence facile. Les individus qui ont trop d'ego vont se faire taper dedans. Alors, je connais suffisamment de personnes qui ne sont pas nécessairement MTS, mais qui auront perdu leur femme, leur emploi, leur argent, qui auront perdu leurs amis, qui auront perdu plein de choses. Pourquoi? Uniquement parce qu'ils deviennent trop beaux. Alors, étant trop beaux, ils deviennent épeurants pour ceux qui les entourent. Et je le dis souvent, quand on évolue astralement parlant, c'est pas long que si les mécaniques de collectivisation de l'individu au niveau psychologique ne fonctionnent plus, on va s'arranger pour manipuler les individus qui vous entourent pour que ceux-ci vous fassent tomber. Donc, vous ramène à une évolution collective qui est beaucoup plus lente, beaucoup plus souffrante, mais inconsciemment, que l'évolution de conscience. Les maîtres de Shambhala vont donc prochainement avoir une espèce de regain d'énergie très puissant parce qu'un être humain mental est un être humain extrêmement puissant, dangereusement puissant. Mais comment les maîtres de Shambhala ont accès ou manipulent les personnes comme des MTS? Bon, c'est très simple, c'est que Shambhala, ou quand on parle de maîtres du monde, on ne parle pas nécessairement de ceux qui vont décider les lois sociales. Bon, on parle de ceux qui vont décider les contextes psychologiques dans lesquels vont se décider les lois sociales. Alors, tu pourrais dire que c'est la même chose, oui, mais non. C'est une influence. Oui. Les maîtres de Shambhala sont des maîtres qui vont diriger et dominer la majorité de toutes les structures de coercition religieuse, donc théologique ou morale. Cela veut dire que les maîtres de Shambhala sont ceux qui vont diriger toutes les mécaniques reliées. Bon, prenons l'exemple de l'Église catholique romaine. Ce sont ceux qui vont manipuler dans le monde de la mort, donc dans le ciel, dans le monde astral, toute la mécanique infernale de l'Église catholique romaine. C'est ceux qui auront dirigé d'ailleurs l'Inquisition catholique. C'est ceux qui auront dirigé le Troisième Reich. On pourra revenir un peu sur la Deuxième Guerre mondiale dirigée par les maîtres de Shambhala, mais appuyée par les maîtres de l'Agartha cette fois-ci. Et ce sont donc des personnalités qui, au niveau astral, sont capables de créer les contextes les plus dominants. Alors, on aura, par exemple, lorsqu'un un homme est convaincu que pour être un homme, il doit dominer une femme, c'est assez shambhaléen. Est-ce qu'on peut dire, donc, il est relié à Shambhala pour le manipuler? C'est pas ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la collectivité, dans la psychologie sociale collective, il y a des archétypes, il y a des stéréotypes, il y a des néotypes. Les archétypes sont des vieilles formes traditionnelles où on dira, par exemple, ben oui, mais laver la vaisselle, c'est un travail de femme. C'est un archétype. C'est-à-dire que c'est une vieille forme structurée dans la conscience collective qui fait que beaucoup d'individus restent manipulés à cette vision des choses. Un néotype, c'est une nouvelle forme où on pourra dire, voyons donc, c'est celui qui lave le mieux qui devra laver, ou celui qui a lavé devra laver, ou celui qui aura sali lavera. Mais bref, ça n'a rien à voir avec l'archétype. Un lave-vaisselle, c'est un néotype. Très, très bon néotype. Oui. En plus, c'est un lave-vaisselle, c'est pas pire, c'est pas une lave-vaisselle, c'est quand même pas pire. Et le stéréotype, c'est lorsqu'on répète régulièrement la même chose, donc c'est une habitude. Shambhala va donc travailler au niveau des structures psychologiques, sociales, collectives, de façon à ce que les humains soient continuellement toujours en train de développer de la violence, de la domination, donc des dominants et des dominés. C'est extrêmement shambhaléen. Au niveau de l'Agartha, on aura l'idée de servitude. Donc, on continuera. Pourquoi l'idée de servitude? Alors, on verra, par exemple, que la majorité de la structure rosicrucienne, Rose-Croix, aura été basée, et pendant longtemps, ils ont d'ailleurs été relativement assujettis à l'Agartha. Et on aura progressivement, dans plusieurs visions ésotériques, une vision plus positive, plus blanche des mécaniques de l'Agartha. C'est sûr que ceux qui n'ont jamais lu sur l'Agartha ne savent pas trop de quoi je parle. À un moment donné, il y a un personnage québécois qui s'appelait Alexandre Lachance, qui était un alchimiste. Il avait une 80aine d'années, on n'a jamais trop exactement su son âge. Il disait 81 ans, mais à chaque année, c'était 81 ans qu'il fêtait. Bon. Et à un moment donné, il a fait une conférence sur la Terre creuse. Et il y a effectivement plusieurs personnages, même encore aujourd'hui, qui, en allant au pôle Nord, ont subitement pénétré dans le centre de la Terre, apparemment. Et là, on parle de porte de l'Agartha. J'ai déjà visité l'Agartha à un moment donné avec certaines personnes, et ce qu'on y retrouve est assez similaire à ce qu'on retrouverait au niveau de Shambhala. C'est un peu un paysage exotique, assez junguleux, une forme de jungle, et avec des personnages, des entités qui sont jolies, qui sont un peu élastiques, qui attendent l'humain, qui sont plaisants. Et c'est souvent des gardiens, tu ne peux pas aller trop loin. Quand je parle visiter, c'est en voyage astral, physiquement parlant, je n'ai pas encore été au pôle Nord, ça vaut pas la peine. J'aurais eu peur de rencontrer le Père Noël, puis faire engager pour tirer sur le traîneau. Mais c'est jamais avec ces personnages-là. Ouais. Alors, quand on parle de l'Agartha, on parle de la mécanique de ceux qui vont vouloir servir l'humain. Les Rose-Croix, et comme plusieurs autres, auront comme fondamentalité de servir. Et c'est une société donc, qui aura engendré des grands maîtres, et même des maîtres, des grands initiés, des maîtres du monde, qui veulent continuer à servir. Maintenant, pourquoi servir? Comme tout à l'heure, j'ai dit, c'est qu'à travers les dominants, donc les esclaves de Shambhala, il y a eu des personnes qui ont été initiées pour aider, des personnes chez qui on a délégué. Et ces personnes-là ont toujours été les serviteurs de Shambhala. Et par la suite, ils ont donc nécessairement été programmés et fait orchestrés pour servir aussi et Shambhala et l'humain. Et eux vont se dissocier. Quand on parle de l'Agartha, donc de ceux qui veulent servir, on parle des individus qui sont autorisés, cosmiquement, on va y revenir, à servir l'humain pour que l'humain puisse avancer. La problématique, c'est donc que Shambhala, les maîtres de Shambhala ont été enfermés par l'évolution des maîtres de l'Agartha. Et les maîtres de l'Agartha ont toujours une structure psychologique ou évolutive qui fait qu'ils veulent servir, et ils veulent servir l'humain pour que l'humain avance le plus facilement du monde dans son cheminement, mais ils veulent servir l'humain, pas individuellement, parce qu'un humain qui devient son seul maître, il ne peut pas le servir, il n'a pas besoin d'esclave. Et il ne peut pas tolérer l'esclave. Il veut servir la collectivité. Lui veut servir la collectivité, et pour servir la collectivité, il doit donc s'arranger pour que l'humain reste collectif. Et le grand collectiviseur, c'est Shambhala. De ce fait, progressivement, comme c'est présentement depuis les années 1931 à l'an montant, il y a une forme de coalition entre Lagartha et Shambhala, une forme d'entente tacite qui fait en sorte que les deux grandes sociétés, les deux grandes cités, sont parvenues à une forme d'entente qui va leur permettre à chacun d'aller chercher un peu ce qu'ils ont besoin. Pourquoi? Parce que le grand problème de l'évolution de l'humanité en correspondance avec les maîtres du monde, Shambhala ou Agartha, c'est que l'humain a de plus en plus accès et aura de plus en plus accès à une conscience individuelle, pas individualiste, individuelle. Donc, il pourra travailler en groupe, mais il ne sera pas colorable par la vision ou par l'opinion des autres. Bon. Et plus cela va, plus l'humain qui a une conscience individualisante se développe, plus il se détache des religions traditionnalistes et la majorité seront manipulés par les mécaniques shambhaléennes, c'est-à-dire qu'on vous dira que si vous n'aimez pas votre Dieu, il y a l'enfer quelque part. Si vous n'aimez pas Krishna, Krishna est un Dieu de colère et de vengeance. Le phénomène shambhaléen a donc été celui qui a supporté l'évolution infernale des théologies et coercitives, comme tout à l'heure je l'ai dit. Donc, plus l'humain a une conscience individuelle, plus il rejette les mécaniques d'involution, plus il rejettera aussi les mécaniques collectives d'évolution, et cela fait en sorte qu'il laisse des traces dans le monde de la mort, prouvant que de plus en plus d'humains seront capables de devenir leur seul maître, donc de se détacher tout en ayant une sécurité, tout en ayant de l'énergie, tout en ayant du bonheur, tout en ayant la capacité d'aimer et d'être aimé, tout en ayant la capacité d'esthétisme. Ils seront capables de se détacher des visions collectives. Mais si l'humain se détache soit de la collectivité ou de l'influence de Shambhala par la collectivité aussi, est-ce que les deux ne vont pas s'annuler énergétiquement? Bien, Lagartha et Shambhala vont de toute façon progressivement s'annuler ou s'additionner? C'est qu'ils vont s'annuler, mais avant, ils vont s'additionner, c'est-à-dire qu'ils vont probablement être récupérés par ce que les gens appellent le Maitreya, qui est un personnage qui existe présentement en Angleterre et qui doit réincarner Bouddha, les mémoires de Bouddha, réincarner les mémoires du Nazaréen, les mémoires de Mahomet, les mémoires d'un paquet de personnages. Et c'est celui qui probablement sera capable d'unir la majorité des citoyens du plan planétaire contre l'intelligence plus tard. Alors, on dit que Maitreya va réincarner ces personnages-là, il va faire en sorte qu'il y aura la paix sur le plan planétaire. Oui, dans la haute ésotérisme, on sait que Maitreya est l'antéchrist. Bon, Christ, c'est un terme qui désigne l'intelligence supramentale, l'Esprit Saint, c'est un terme alchimique qui date de très très longtemps, qui désigne l'énergie christique. Quand on parle d'intelligence supramentale, c'est la même chose. Quand on parle d'intelligence active, c'est la même chose. L'intelligence qui n'est pas restreinte par ce que l'on connaît, donc par l'éducation, donc par l'humain. Et l'antéchrist, c'est donc quelque chose qui vient antérieurement à la venue ou encore au retour christique. Quand on parle du retour du Christ, on ne parle pas d'un personnage, on parle de la conscience similaire à ce qu'il avait lui, donc à l'intérieur de la conscience des humains actuellement. Et Maitreya, donc allié au phénomène de Shambhala de Lagartha, va être ce qui va lutter le plus contre la descente de l'intelligence. Donc Maitreya va s'alimenter, si on veut, énergétiquement avec ces deux cités-là, ces deux cités secrètes-là. Oui. Pourquoi, par exemple, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale où on a eu un mélange de plusieurs choses? Premièrement, Adolf Hitler a décidé d'éliminer la race juive. Adolf Hitler était mi-sang juif. Adolf Hitler n'était pas arien. Il n'était pas un grand blond aux yeux bleus. Comment le peuple arien et le peuple allemand pouvaient-ils honorer un personnage qui n'avait rien d'arien? Il avait des puissances avec lui. Adolf Hitler était un petit, feluette, plus ou moins maigrichon. Il n'avait pas d'argent. Il a fait de la prison à un moment donné parce qu'il a fait des protestations contre certains pouvoirs allemands à l'époque. On est allé le chercher en prison. On l'a instruit. On l'a associé à une loge franc-maçonnique. On l'a associé à une loge du prieuré de Sion. On l'a instruit, on lui a donné certaines formes énergétiques, on lui a présenté des maîtres du monde de Shambhala et même ses secrétaires. Quand on lit un peu sur Adolf Hitler, on se rend compte que pendant longtemps, il était épeurant, selon ses secrétaires, hommes et femmes, parce qu'il parlait des personnages invisibles. Et par la suite, on dira qu'il s'est énormément drogué. Il faut bien qu'on explique ce qu'il faisait. Mais un drogué ne dirige pas une nation en vainqueur contre les autres dirigeants qui, eux, ne se droguent pas. Il y a des choses qui se passaient. L'idée de... C'est Shambhala qu'on y avait présenté? C'est les maîtres de Shambhala qui se sont pointés là. Alors, Adolf Hitler avait des réunions régulières vers Shambhala. Par contre, Rudolf Steiner, à l'époque, lui, avait des rencontres avec les maîtres de Lagartha, qui étaient déjà alliés avec le Shambhala un peu à l'époque. Et lorsque Rudolf Steiner a eu vent de l'alliance, il a su une chose. Il a su, et c'est d'ailleurs le pire ennemi d'Adolf Hitler, a été Rudolf Steiner, qui d'ailleurs a fait plusieurs choses, il y a des écoles encore qui existent aujourd'hui. Rudolf Steiner, dans l'Astral, assistait aux réunions d'Adolf Hitler avec les personnages de Shambhala et avec d'autres personnages aussi, parce qu'on sait qu'il y a eu de très, très grands personnages nazis qui étaient de très, très grands ésotéristes. D'ailleurs, la première chose qu'Adolf Hitler a voulu ramasser, c'est la lance du Graal, la lance de Longinus, qui était enfermée en Autriche. Donc, le premier pays à conquérir était l'Autriche. Il l'a conquis. Lors du procès de Nuremberg, l'Autriche a exigé que la lance leur revienne. Lance qui a appartenu à énormément de personnages puissants dans le passé. C'est la lance que Longinus, un centurion romain, s'est servi pour transpercer le corps du Nazaréen. Et la coupe du Graal, c'est la coupe que Joseph d'Arimathie a pris pour aller ramasser le sang qui coulait. Alors, Adolf Hitler, première chose, c'est de ramasser cela. Adolf Hitler, l'un des personnages américains qui l'a détesté le plus a été le général Patton, qui était le seul personnage à être capable de conquérir, de gagner ses combats contre les nazis, alors que partout ailleurs, les autres généraux n'y arrivaient pas. Et c'est aussi Patton qui a découvert la lance de Longinus dans le bunker d'Adolf Hitler à Berlin. Donc, il y a plusieurs choses de ce genre. Adolf Hitler avait rencontré Rudolf Steiner à un moment donné. Ils ont eu des petites discussions, puis Rudolf Steiner assistait aux réunions en dédoublement astral. Adolf Hitler a même fait détruire une immense école que Steiner avait fait bâtir. Il a mis le feu dedans. Et c'est d'ailleurs Steiner qui, inconsciemment, a montré à Hitler comment exterminer, comment faire fuir les Juifs de l'Allemagne. Parce qu'à un moment donné, beaucoup plus jeune, il y avait un personnage assez important qui avait des problèmes avec des lapins, qui venait continuellement sur ses terres tout manger. Alors, Adolf Hitler a présenté Steiner au personnage. Steiner lui a expliqué l'homéopathie, alors il a ramassé quelques lapins, il les a tués, il les a fait brûler. Il a pris les cendres et il les a disséminés partout sur le territoire. Et homéopathiquement, les lapins qui rentraient là respiraient de l'air avec des particules brûlées des lapins. Et ils en avaient inconsciemment une peur. Bref, ils n'aimaient pas le territoire, ils ne sont plus venus. Et depuis, après Adolf Hitler, c'est pourquoi il avait donc fait ces camps de concentration où on rentrait par une porte et on sortait par une cheminée. Il ramassait la cendre des Juifs et il la larguait en avion au-dessus de l'Allemagne. Et il voulait progressivement faire cela sur tous les territoires de l'Europe pour pousser en migration les peuples à exterminer vers des territoires où les attendraient de toute façon les exterminateurs. Adolf Hitler est donc un très grand ésotériste. La svastika, qui est une croix gammée, la croix gammée, c'est un symbole tibétain, c'est un symbole shambhaléen qui veut dire, c'est un chiffre 7 qui est reproduit 4 fois. Le chiffre 4, c'est les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu. Le chiffre 7, c'est la création, c'est un symbole de création, j'ai déjà expliqué, je passe un peu là-dessus. Et les 4 croix, c'est la création par les 4 éléments. L'idée de base de Shambhala, alors que l'humain est très bas. Quand Shambhala finit par être supplanté par la Gartha, progressivement, la croix gammée, la svastika va virer de bord. Destruction par les 4 éléments, et c'est la croix gammée qu'Adolf Hitler va aborder, qui est un symbole opposé, donc inversé, de la philosophie antérieure de Shambhala. Adolf Hitler va donc tout faire pour éliminer Steiner par la suite, parce que Steiner est un de ceux qui l'a reformé. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que Steiner va découvrir une chose, c'est que la Gartha et Shambhala viennent de s'allier ensemble, dirigés par un personnage qu'on a parlé un peu la semaine dernière, par le comte de Saint-Germain, par Lazare. Steiner, il vient d'où, lui? C'est un Allemand juif. Oui, mais il vient... Oh, on pourrait en reparler des réincarnations de Steiner. Il est dirigé par Lazare et puis par Saint-Germain. Exactement. Mais on reviendra. Mais ce qui est intéressant de constater au niveau de ce que font Shambhala et la Gartha, et c'est ce qui risque de se reproduire encore une fois, c'est que les deux se sont unis pour faire quoi? Sous l'effigie de Lazare, c'est-à-dire que Shambhala est manipulé, la Gartha est manipulée, et ils vont engendrer le Troisième Reich, premièrement pour diluer suffisamment le peuple juif pour que l'intelligence christique, l'intelligence prémentale qui doit revenir, ne revienne pas dans le peuple juif. Elle est descendue dans le peuple allemand et elle a été diffusée aux États-Unis. C'est les Américains qui l'ont ramassée par la suite. Est-ce que ça veut dire un être humain christique? Non, ça veut dire que l'intelligence est maintenant accessible à beaucoup plus d'humains sur le plan planétaire qu'uniquement confinés dans un peuple essénien, nazaréen, juif. Mais ça n'était pas la seule chose. C'est que présentement, dans les cycles de l'évolution, il y a des cycles. Il y a l'âge d'or de l'évolution, que le Jean de Patmos appelle le millénium, mille ans de paix. C'est 13 800 ans. Il y a l'âge d'argent, qui est un âge d'évolution. Il y a l'âge d'airain et il y a l'âge de fer. L'âge de fer s'appelle, ce sont des âges d'une respiration de Brahma sont donc des noms qui viendront de la race aryenne du sanskrit. Et on appelle l'âge de fer Kali Yuga, l'âge du fer, l'âge du mal, Kali. Présentement, on est dans le Kali Kali Yuga, on est dans l'âge du mal, de l'âge du mal. Mais la problématique, c'est que plus l'être humain étire l'âge de fer, plus longtemps il souffre avant qu'arrive l'âge d'or. Et Saint-Germain, lui, sa structuration mentale, parce que c'est le summum du plan mental sur le plan planétaire, donc il n'est pas nécessairement esthétique dans ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il plante des clous dans un mur. Si votre main est placée là, bien, il plante son clou quand même. T'sais, il s'en va. Lui, il s'en va. Sa mission de planter des clous dans un mur. Oui, mais votre main, bon, il y a plein d'autres mains qui sont capables de fonctionner. Oui, mais moi, je souffre. Oh, tu vas mourir, tu ne souffriras pas longtemps, tu te réincarneras après. Oui, mais en attendant, bon. Alors, il y a une problématique, donc, avec le phénomène ou Lazare, c'est que c'est du mental. Il est capable de certaines choses, mais au niveau de son agissement, c'est extrêmement mental. Alors, il a eu dans la tête l'idée de précipiter l'âge du mal. Compresser ça pour aller plus vite. Oui. Pour que l'humain souffre moins longtemps. Plus, mais moins longtemps. Voilà. Alors, l'idée, c'était donc de faire en sorte qu'on ait, si on est pour avoir, disons, 100% de mal, pourquoi le mal? On reviendra là-dessus. 100% de mal, eh bien, si on est capable d'en mettre du 200%, on va diviser le temps en deux. Si on en met du 400%, on va diviser le temps encore une fois en deux, donc par 25. C'est-à-dire par 4, si on considère le départ. Et l'idée du Troisième Reich et l'idée de l'Apocalypse, donc de la Troisième Guerre mondiale, est basée sur uniquement ce principe-là, c'est de forcer l'humain à un réveil beaucoup plus rapide en l'obligeant à une désillusion rapide. Ceux qui se conscientisent suffisamment vont découvrir à un moment donné que de la souffrance, il y en a en masse. Une souffrance qui n'est pas nécessairement du même ordre que ce que les gens dans le passé ont connu ou ce que vos voisins ou votre famille vont parler. Mais c'est une maudite souffrance. L'individu qui évolue, à un moment donné, c'est exactement comme s'il avait un sort de karma à payer, puis subitement, on s'arrange, puis qu'il en paye deux fois plus là, puis qu'il en paye quatre fois plus là. Revenons un peu aux idées shambhaléennes, qui d'ailleurs, ce qui va diriger une grande partie de l'éducation des jeunes Tibétains, c'est que si vous êtes un fils ou une fille de riche, vous allez être l'esclave de tout le monde, même à l'école de tout le monde, tout le temps de votre jeunesse. Vous allez hériter de la richesse de la famille, bien, vous allez vous arranger pour apprendre à ne pas dominer les autres par la suite en vivant déjà ce qu'ils en vivent. Par contre, les enfants de familles pauvres, eux, on va leur donner des cadeaux. Eux, on va leur faciliter la vie au maximum parce qu'une fois adultes, ils auront souffert toute leur vie. Il faudra qu'ils mendient, il faudra qu'ils couchent dehors, il faudra que... Bon. Et c'est un peu la même idée qui se passe au niveau de l'évolution présente de l'actuelle humanité où on veut s'arranger pour que vous allez avoir 1000 ans de paix, 13 800 ans de paix. Il y a du karma échelonné là-dedans. Enfin bref, on s'arrange pour que l'humain le paye plus rapidement. Payer la facture tout de suite. Oui. Dans l'évolution, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que l'humain doit se purifier. C'est un terme qui est très employé, mais purifier veut aussi dire abandonner tout ce qui ne peut pas passer par le trou de la serrure. Ça veut dire... Est-ce qu'on paye ce qu'on est capable de payer? Toujours. Mais ce qui ne passe pas par le trou de la serrure vers l'ère nouvelle, c'est ton ego, c'est l'orgueil, c'est la gêne, c'est la peur, c'est la libération, c'est-à-dire l'idée que tout nous appartient. C'est l'inconséquentialité, l'inécologie. Tout ça, ça ne peut pas passer. L'humain ne peut pas bâtir quelque chose de neuf en restant ce qu'il est. Bon, alors on est sur un territoire américain, Amérique du Nord. Les peuples de l'Est, par exemple, qui se libèrent, vont nécessairement se rendre compte qu'on est mauditement mieux qu'eux. Et ils ont raison. Si on pose la question, sommes-nous mauditement plus heureux qu'eux? Non. Est-ce qu'on est mieux qu'eux? Oui. Notre malheur est drôlement plus confortable. Donc, ils ont raison de vouloir s'émanciper. Mais ils ne découvriront pas l'évolution psychologique ou l'évolution vers un bonheur ou un monde nouveau en copiant ce que nous faisons, parce que nous sommes les mêmes humains qu'eux, avec des moyens différents. Puis on est quand même plus confortable. Mais c'est sûr que mieux vaut pleurer à l'abri sous un toit l'hiver quand c'est chauffé dans la maison que de pleurer sous une cabane quelque part en Union soviétique où tu n'as pas de chauffage. Quand les larmes gèlent à mesure. Oui, c'est ça. C'est pas compliqué, mais ça ne sort plus. Mais Quand on parle de Shambhala, de Legarta, on parle donc de grands phénomènes reliés au maître du monde. On parlera de ce qui aura engendré Annie Besant, de ce qui aura engendré Alice Bailey, ses écrits, de ce qui aura engendré une partie de la cosmogonie d'Urantia, de ce qui aura engendré la majorité des religions, des structures théologiques actuelles. On parlera de ce qui engendre les sectes dominatrices, les sectes, par exemple, où vous n'avez pas le droit de parler à vos parents extérieurs, où à un moment donné, on ramasse même vos enfants pour commencer à les éduquer. Alors, on aura les apôtres de l'amour infini, très infini leur amour, parce qu'ils ne l'ont pas encore trouvé, parce qu'on peut battre les enfants, on peut, en tout cas, c'est très, très, très, très, très en arrière. On peut parler de différentes sectes qui se rapprochent, on peut parler de la cité écologique de l'ère du Verseau, où l'écologie exclut encore une fois l'humain. Tout est basé sur l'enfant, c'est vrai, parce qu'on les réveille à 5 heures qui est travaillé. Bon, à l'origine, c'est correct, c'est agarcien. Et c'est pas long que l'agarce, ça change et ça devient Shambhala. Il y a actuellement, au niveau de Shambhala, de Legarta, dernièrement, il y a un ésotérisme moustachu qui disait que Legarta est venu faire une visite au Québec. Il y a des maîtres de Legarta au Québec. Ils sont en visite. Et puis ils sont partis. Ils ne sont pas là tout le temps? Pas au Québec. Le Québec est... Énergétiquement ou astralement, ils sont là tout le temps. Oui, à cause des personnes avec lesquelles ils ont des contacts. Mais le Québec est une terre qui est extrêmement dangereuse. C'est une terre, à cause du peuple qui vit dessus, une terre qui est extrêmement dangereuse pour l'avenir de l'humanité. Pour les autres humains ou pour nous autres? Pour les humains. Et ceux qui ne le sont pas. C'est un territoire extrêmement dangereux. Premièrement, le peuple québécois est un peuple qui a toujours été très particulier. Il a été fondé ésotériquement. Le drapeau québécois est un paquet de symboles, c'est un tarot. C'est un paquet de symboles ésotériques. Et il porte le nom de l'ancienne étymologie K-E-B-E-K que les peuples celtiques avaient amené, que l'Europe a conservé dans ses grimoires ésotériques. Le K-E-B-E-K est le terme ésotérique qui désigne le paradis terrestre. C'est le terme ésotérique qui désigne l'endroit là où est apparu l'homme au début. C'est le bouclier canadien qui est la première terre de surface. Ça désigne l'endroit où va revenir la mécanique christique. Ça désigne l'endroit où va se faire les... En tout cas, il y a toute une amanchure au niveau de l'ésotérisme européen relié au K-E-B-E-K. Et nous portons le nom Québec avec Q-E-B-E-C. Et je disais dernièrement, encore une fois, qu'on avait Jean le Baptiste, qui est celui qui est le précurseur de l'énergie christique. La Saint-Jean-Baptiste est la fête nationale des Québécois. Et la société Saint-Jean-Baptiste, c'est la société la plus séparatiste. Et notre Jean le Baptiste n'est pas un juif, c'est un arien, comme Adolf Hitler les aimait. C'est un enfant blond aux yeux bleus. Le Québec est une terre dangereuse parce que c'est une Allemagne de l'avenir. Il va se développer des êtres humains extraordinairement intelligents. Il y en a déjà. Et là, présentement, par exemple, au niveau de l'information de conscience, c'est de plus en plus du Québec que ça part. On traduit des choses du Québec pour les mettre en anglais. Au niveau technologique, de plus en plus. Par exemple, le centre spatial, ça a été implanté au Québec. Pourquoi? Politiquement, non, il arrêtait à Toronto. Mais il y a des cerveaux québécois, il y a des personnes qui le savent. Si on regarde encore une fois la majorité des premiers ministres du Canada, il y en a plusieurs qui ont été Québécois, et il y en a plusieurs, de façon, qui sont en candidature régulièrement. C'est toujours le petit gars d'eux, hein? C'est toujours des petites villes idiotes perdues au fin fond du Québec. Faut vraiment pas faire confiance aux Québécois pour savoir ce qui peut en sortir. Ça peut être beaucoup plus puissant que l'apparence en donne. Entre autres, le Québec est totalement entouré d'Anglais, et il n'a jamais été colonisé. Il n'est pas colonisé ni par la France. Parce qu'on n'est pas colonisable? C'est évident qu'on n'est pas colonisable. Parce qu'on avait un défaut, on n'est pas un peuple. Et on ne peut pas collectiviser et réussir à ramasser un peuple qui ne se tient pas. Alors, par exemple, on arrive à forcer certaines personnes à parler du franglais, ou suffisamment anglais, mais dans l'arrière-pays, ça ne passe pas. Il n'y a pas de fierté nationale. Et par contre, énergétiquement, il y a plusieurs choses qui se trament sous le Québec. Et on peut dire, présentement, ça veut se développer, il y a une fierté nationale qui tend à se développer. Il y a un certain bonhomme qui s'appelait Lévesque, qui, lui, était franc-maçonniste. Il y a un autre bonhomme qui s'appelait Guérard, qui lui était Rose-Croix. Yolan Guérard était un des grands représentants de l'ordre Rosicrucien à Mort ici au Québec. René Lévesque était franc-maçon. Et il y avait un autre personnage qui, lui, était et franc-maçon et Rose-Croix. Il s'appelait Alexandre Lachance. Puis il était alchimiste. Mm-hmm. Ils sont tous morts dans la même semaine ou à peu près. Et c'était ésotériquement évident. Mais il y avait mieux que ça. Moi, j'ai souvent expliqué que le processus de la réincarnation est un processus que l'humain connaît mal. Dans le séminaire que je donne, on en parle énormément, mais de temps en temps, bon, j'ai amené des petites choses. Comme par exemple, la religion dit que quand vous allez mourir, vous allez aller au ciel et vous allez retrouver tous ceux que vous avez connus, et cela pour l'éternité. J'ai toujours expliqué qu'il y a aucune les théologies ne peuvent mentir, mais ne disent pas la vérité. Du moins, parce qu'ils ne la disent pas au complet. Elle dit juste un bout. Oui. Quand on va dans le monde de la mort, on est digéré comme dans le monde de la matière, et tout ce qui est similaire se fusionne ensemble. Et je parle donc souvent de réincarnation pluralitaire. C'est-à-dire qu'on est constitué présentement de près de 30 millions de personnalités réincarnatives qui vont faire en sorte que lorsqu'on essaie de savoir qui on était, on ne sait jamais. Puis que quand on fouille, on dit « j'étais un tel, j'étais un tel, j'étais un tel ». Et à un moment donné, les femmes peuvent dire « tiens, c'est drôle, il me semble que j'étais Nefertiti ». Oui, non, c'était moi, Nefertiti, j'ai fouillé, j'ai fait une régression des vies antérieures. Oui, Nefertiti, elle est peut-être sur 300-400 000 personnes. Mais là, ce que j'expliquais à un moment donné, c'est que dans les phases actuelles de l'évolution, les êtres humains sont suffisamment solides qu'ils ont même la capacité de réincarner un être humain qui meurt avant qu'il gagne le monde de la mort, rendant sa conscience immortelle. Ça a toujours un peu pu se faire dans le passé. Quelqu'un disait « il est mort, mais il ne mourra jamais dans ma conscience ». Tu ramasses des parties de lui. C'est pourquoi il t'habite. Et dernièrement, on va même dire que, et de plus en plus, puis ça m'amuse, parce que les personnes qui reçoivent des greffes, bon, dernièrement, une personne, elle a reçu un poumon. J'ai l'impression que la personne qui est morte vit chez moi. Tu sais pas ce que tu dis, mais ce que tu dis est vrai. Et même que des fois, ça m'influence dans mon alimentation, ça m'influence, oui, tu la réincarnes. Mais là, c'est facile de la réincarner. Pourquoi? Parce que tu as une partie de l'autre chez toi. Il y a un mélange au niveau des âmes. Les Indiens disaient « frères de sang ». Et oui, c'est évident. Les anciens mangeaient le cœur d'un guerrier valeureux pour essayer d'avoir son courage. Et les témoins de Jéhovah, pas question de transfusion sanguine, transfusion de l'âme. Ah, ils vont pas jusque-là, mais on n'en fait pas. Et oui, ils savent. Mais être mélangé après, être mélangé pendant, moi j'aime autant me mélanger avec mon fils pour qu'il vive que l'envoyer dans le monde de la mort pour le réincarner par un processus plus complexe. Mais ce qui arrive simplement, c'est qu'à un moment donné, on dort, 2 heures du matin, on se réveille. Et là, tu te dis, tiens, mon père, ma mère, ou mon grand-père, ou ma grand-mère, ou quelqu'un est mort. Comment ça se fait qu'on le sait? Il est venu me le dire. Non, il y a une partie qui est venue s'incarner chez toi. C'est pour ça que tu le sais. Oh, c'est pas clair comme ça, tu le sais. Vérifie, ça va être vrai par la suite. Effectivement, il est mort à telle heure, etc., tu sais tout. Il y a des personnes qui, à un moment donné, une personne meurt dans la famille et puis subitement, on se rend compte que si on observe convenablement qu'un tel il vit les mêmes colères que celui qui est décédé. Un autre, subitement, décide de peindre avec ce que l'autre servait. Un autre, etc. Il y en a qui vont retrouver des paysages. Bon, il y a des mélanges comme ça. Puis il y a une partie qui gagne le monde de la mort. René Lévesque, il s'est réincarné dans la majorité des Québécois. Yolan Guérard aussi. Alexandre Lachance, non. Lui, il a fait congé son corps pour 40 jours, puis s'est réincarné dans son ami, temporairement, pour, après ça, prendre un autre corps. Il a fait quoi avec son corps pendant 40 jours? Congelé son corps pendant 40 jours. Mais après 3 jours, c'était réglé. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'il n'y a aucun salon funéraire qui fait ça. Mais il y en a un qui a accepté. C'est ce qu'il avait demandé. C'est dans son testament. Pourquoi? Puis c'est extrêmement compliqué. Les salons funéraires ne congèlent pas comme ça, parce que normalement, on les expose, puis on les enterre. On les fait brûler. Qu'est-ce que ça lui donnait mécaniquement? Lui, ça faisait que le corps physique ne pouvant être détruit, tout ce qui est sa structure astrale, son âme, ne gagne pas le monde de la mort. Les pharaons se faisaient momifier pour conserver le corps physique ici, de façon à ne pas vivre le processus de la réincarnation. Alors, on disait, ils sont maintenant immortels. Bon, Alexandre Lachance, donc, a fait congé son corps pendant une quarantaine de journées. 40 jours, parce que c'était un alchimiste, donc c'était un alchimiste, un traditionnaliste. 40 jours, c'était 15 ans. Ça lui donnait le temps de se réincarner. De trouver. Mais par la suite, je vais rencontrer son ami, et il y a des poèmes que lui aimait dire qu'elle n'avait jamais réussi à apprendre. Puis là, on lui posait la question, « Tel poème, t'en rappelles-tu? » « Oh, on ne fait pas tellement, non, ça commençait par plein de bleu complet. » Avec la même intonation qu'Alexandre Lachance. Alors, c'était évident, il était là, les deux étaient là. Bon. Le Québec, de plus en plus, peut devenir nationaliste parce que René Lévesque puis d'autres personnages ont travaillé pour que le Québec de plus en plus devienne nationaliste. Je disais dernièrement que la case Lac-Miche a planté la veille de Saint-Jean. Et qu'on pourrait dire qu'on a saupoudré un peu de René Lévesque. Tout est saupoudré. Ça plante la veille de Saint-Jean. La Saint-Jean, c'est la fête nationale des Québécois. Puis la société Saint-Jean-Baptiste, c'est la plus séparatiste. Puis Saint-Jean-Baptiste, c'est un arien, un enfant blond, cheveux bouclés, aux yeux bleus, alors que le vrai Baptiste était un juif. Mais le Baptiste, c'est celui qui prépare le terrain. Puis c'est celui qui vient annoncer l'avenue de l'intelligence christique, qui ésotériquement au niveau de l'Europe est annoncé au Québec. Mais quand EBEK, je me souviens, c'était foutu le Québec. Le Québec était une terre promise. Il y a énormément de personnes maintenant qui veulent migrer vers le Québec, des immigrants, des importés. Ils arrivent ici, ils sont déçus. Tout ce qu'ils ont, c'est un peu de bien-être social. Ils sont logés dans un hôtel pour les habiller. Alors d'où ce qu'ils partaient, il n'y avait rien. Ils sont déçus. Mais oui, la terre promise ne leur donne pas ce qu'ils avaient vibré. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vivent pour quelque chose comme ça. Alors, il y a... Parce que leur vibration est correcte, mais c'est pas dans le bon temps. Exactement. Ça va arriver quand, ce temps-là? Pas quelques années. Quelques années, toi, ça peut être 2500 à 25 000. Non, l'humain est impatient. Non, ça, c'est en dedans de 500 ans. Ouais, ben c'est pas ça. Ouais, c'est quand même rapide. Hé, hey, ça fait 4 500 millions d'années qu'on se promène dans la galaxie. Venant de ta bouche, c'est du très court terme. Non, c'est de l'immédiat terme. Oui. Mais pour plusieurs personnes, cette conscience-là est déjà en train de naître. Il y a des gens qui, présentement, sont en train de naître à la sixième race mère. Est-ce que pour que la sixième race mère arrive, il faut que la Gartha, la Shambhala, se fusionne avec Maitreya puis Sagrega? C'est-à-dire ramasser toute cette énergie-là? C'est-à-dire qu'il y aura une apocalypse, ce que j'appelle, moi, l'apocalypse des autres. Il y a énormément d'humains qui ont besoin de se faire désillusionner au maximum. Présentement, il y a des personnes qui préparent les terrains. Vous savez, la majorité de ceux qui se conscientisent, qu'est-ce que c'est se conscientiser? C'est pas de suivre Daniel Kim, c'est pas ça se conscientiser. Ça, c'est de suivre Daniel Kim, c'est autre chose. Ceux qui se conscientisent, c'est ceux qui vont comprendre ce que je dis, qui vont comprendre ce qu'eux se disent, qui vont comprendre ce que d'autres disent, qui vont comprendre des messages qui font partie de l'intuition. C'est ceux qui vont être capables de reconnaître des choses neuves, ceux qui vont être capables de supporter leur ignorance. C'est important. Parce que quand tu sors d'une religion, tu commences à te poser des questions que la religion ne répondait pas. Mais ces maudites questions-là, qui va y répondre? Daniel Kim? Peut-être. Mais à un moment donné, il y a des questions où on n'a pas Daniel Kim à la portée de la main. Puis Daniel Kim, il ne se promène pas dans l'astral pour répondre. Daniel Kim ne fait pas partie de la Gartha. Il ne veut pas servir. Il ne fait pas partie de Shambhala. Il ne veut pas dominer. Il fait partie de l'humain. Il veut simplement être lui, c'est tout. Puis faire ce qui est plaisant énergétiquement. Lorsque la personne se pose une question, bien, à un moment donné, ne veut pas dans sa conscientisation, il y aura des trous, pas de réponse. Et ces trous sont simplement des manques d'énergie. Ces manques d'énergie sont simplement ce qui va amener l'ego à vivre un écœurement et qui, normalement, amène l'ego à vivre l'écœurement de l'écœurement. Et ça, ça débloque un ajusteur de pensée que tout le monde a, qui, normalement, est relié au canal réincarnationnel, donc qui, normalement, interprétait toutes nos réponses en fonction de la tradition, donc du passé, de ce qui se réincarne, et quand ça se détache, il flotte dans le monde, dans le plan moronciel, un endroit où il y a de l'énergie, mais où il n'y a pas d'information. Donc, pendant un laps de temps, l'individu est beaucoup plus évolué, mais si on le regarde, on n'a vraiment pas l'impression qu'il est plus évolué. Et à un moment donné, l'ajusteur de pensée, frustration sur frustration, finit, si l'individu reste vivant, par se brancher à un égrégore d'énergie supramentale, donc à une forme de conscience neuve, qui va maintenant, progressivement, lui dicter une forme de cheminement, où l'individu, s'il l'applique, pourra découvrir finalement son esprit, lui. Quand le Nazaréen dit qu'il y aura l'Esprit Saint qui va descendre, l'Esprit Saint, c'est un esprit pur, un esprit non coloré par l'esprit de l'homme, par son âme. C'est ce qui va arriver. Et plus cela va aller, plus les personnes qui vont vivre l'évolution au niveau du Québec, entre autres, il y a des exceptions partout sur le plan planétaire, là, mais le ramassis, c'est au Québec, ces personnes-là vont progressivement vivre un peu plus de problématiques. Ils vont progressivement être capables de faciliter leur transition, de faciliter leur évolution, et ils vont de plus en plus être capables d'instruire leur ego, de traverser vers le monde nouveau, de la conscience. C'est une question de choix. Est-ce qu'on est un homme nouveau, une femme nouvelle, un enfant nouveau ou pas? C'est une question de choix. Et c'est pas de dire « Ah, moi, j'en suis un. » Ça, on n'a rien à foutre. C'est pas ça l'idée, là. C'est de faire le choix d'eux. Et quand on fait le choix d'eux, on doit accepter de perdre des peaux. On doit muer. Après, on va muter. Comme on est manipulé dans nos choix, qu'est-ce qui fait qu'on peut être dicté, que notre conscience nous dicte, que la conscience entre guillemets, nous dicte de faire le choix de l'homme nouveau ou pas? Il y a des personnes qui sont sur une phase de transition depuis déjà 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et là ça fait 5, 6 ans, et là ça fait 15 ans. effectivement, elle lui-même manipulé. Alors, la personne a dit « oui, je veux », puis en même temps, elle broille chaque fois qu'elle dit qu'elle veut. Puis là, elle se dit « maudit que c'est compliqué, la vie. Maudit que c'est compliqué, l'évolution. Maudit que tout est compliqué. J'aimerais juste dire à quelqu'un que je l'aime, puis je suis pas capable. T'sais, c'est-tu niaiseux, puis c'est-tu compliqué? » C'est ça. Lui dire que tu l'aimes, c'est peut-être libérateur. Si elle te dit « moi aussi », peut-être qu'après, tu vas violer son espace vital. Alors, l'intelligence vient t'inhiber. Tu lui diras pas que tu l'aimes. Pas comme ça. Alors, tu dis « je vais lui dire intelligemment, d'une façon qui est belle. » Mais pas parce qu'elle va me dire « tiens, moi aussi », que par la suite, je vais avoir l'impression que je peux toucher. Mais là, ce qui arrive, c'est que c'est d'une façon désinhibée et non pas libérée. Ça se rapproche de l'amour intelligent. Tout le mois d'août, on va parler de ça. Mais là, ce qui va arriver, ce qui barre l'individu, c'est que maintenant, son ego traditionnaliste ne veut pas. Quoi? Tu vas vivre un amour non conditionnel? Un amour qui ne fera pas souffrir? 99% des chansons d'amour sont des chansons où on se plaint. L'amour est souffrant. Un amour qui ne te rendra pas jaloux, un amour qui va faire en sorte que tu vas pouvoir aimer la personne, même si elle est capable d'aimer 15 autres personnes. L'ego n'est pas capable de prendre cela parce que l'ego doit mourir à une partie de lui doit mourir pour accepter une nouvelle chose. Un amour qui ne dérangera pas. Un amour où tu ne seras pas toujours pogné avec. Alors, dans l'évolution, ce qui arrive, c'est que plus il y a des individus, plus il y a d'individus qui traversent, qui parviennent à le faire, au détriment de Shambhala et de Lagartha, mais ces individus-là, souvent, vont être placés à l'index de leur employeur, de leur compagnon de travail, souvent de leur famille. L'humain ou l'animal humain ne peut comprendre celui qui est heureux. Vous ne pourrez pas jamais être compris si subitement vous commencez à être bien dans votre peau, à être bien dans votre corps. Non. Il y a quelqu'un dernièrement qui s'est fait arrêter net. Pourquoi? Parce qu'elle a dit comme ça qu'elle aimait le travail qu'elle faisait. Puis tous ceux qui étaient autour d'elle ont arrêté net. Il y avait, c'était des syndiqués, un travail, ce n'est pas fait pour être aimé. Un travail, c'est de l'exploitation. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. Puis la personne, là, elle n'avait plus rien à dire. Ben oui, mais là, il fallait que, bon, pour faire taire les gens, il fallait qu'elle déteste son boss, qu'elle déteste tout. Alors que c'était plus ça. Elle vivait. Ça s'adonnait qu'une partie de sa vie était au travail. Est-ce que l'énergie qui est gagnée ou qui est transformée au moment où la personne décide, comme tu dis, de faire le choix de l'homme nouveau, ou en tout cas est manipulée dans cette direction-là, est suffisamment forte parce que toute la famille, la belle famille, les amis, les ex-amis, comme... Oui. À un moment donné, je parlais de mes ex-amis de plus en plus nombreux et mes amis. Il y a tellement d'énergie qui est dépensée. Est-ce que c'est par la Shambhala puis la Lagartha que cette énergie-là est dépensée pour aller ramasser toute la gang pour essayer de t'étouffer celui qui est dans le milieu qui essaye de s'en sortir? Les mécaniques de récupération. Premièrement, comme j'expliquais à un moment donné, puis c'est des choses, c'est sûr que quand on vit pour la première fois une conférence, il y a pas mal de choses qui semblent planer très haut. Mais on a juste à se poser la question. Elle qui se regarde dans un miroir pour se demander qu'est-ce qu'on fait là, nous autres, molécules puis atomes. Ça doit être que ça plane haut en tabarouette déjà. Chaque fois qu'un être humain gueule, le cœur accélère, il y a beaucoup de sécrétions endocriniennes. Chaque fois qu'un être humain est heureux ou il rit, il y a des sécrétions endocriniennes. On dit que rire, ça dilate la rate. Il se passe plusieurs choses. Chaque fois que l'être humain exprime une émotion, il sécrète. Et chaque fois qu'il y a une sécrétion, il y a une dépense d'énergie qui nourrit le monde de la mort. Shambhala et Lagartha sont directement alimentés par le monde de la mort. Et c'est par là, d'ailleurs, qu'ils vont rencontrer, sous forme de maître, de guide de lumière, d'esprit dans l'astral, qu'ils vont rencontrer souvent les individus, que ce soit dans les mouvements Ekankar, dans les mouvements rosicruciens ou dans les religions. Maintenant, ce qui arrive, c'est que, donc, chaque fois qu'un être humain crie et gueule, il exprime et il s'épuise, il vieillit et il mourra à un moment donné, il donne au monde de la mort, donc aux forces shambhalayennes, agarciennes, il donne, disons, deux chaudières d'énergie. Chaque fois qu'une femme se fait violer, il y a peut-être 3 ou 4 semi-remorques complètes d'énergie qui vont nourrir le monde de la mort. D'où l'intérêt d'entretenir les violeurs. Mais maintenant, chaque fois qu'un enfant se fait agresser ou se fait violer ou se fait tuer, même chose pour une femme ou pour un homme, ça nourrit énormément. Surtout si l'agression est, ce qu'on va dire, sale. Pourquoi? Parce que maintenant, toute la société peut sécréter aussi. Alors, on retrouve l'enfant la tête tranchée. Bon, les organes génitaux peut-être tranchés, comme c'est déjà arrivé, puis ceci, cela, etc. Le bonhomme, il lui avait coupé les organes génitaux, les avait fait cuire, puis les avait mangés, comme c'est déjà arrivé aussi. Bon, des choses comme ça. Là, ça va dans les journaux. Et là, ça fait sécréter une grande société. Maintenant, en plus, si on ne retrouve pas l'enfant, puis qu'on a des indices comme quoi il est vivant, puis des indices comme quoi il ne l'est plus, puis on en retrouve un autre à la place, puis là, on se demande si tout le monde peut s'amuser pendant ça. Là, ça sécrète et ça nourrit le monde de la mort. Maintenant, si on va amener énormément d'alcoolisme, donc on va s'arranger pour que l'humain soit facilement incitable à la boisson, ça détruit le système social. Alors, ça nourrit. Si on vient mettre la drogue chez la jeunesse comme chez le reste, ça nourrit, c'est évident. Alors, dernièrement, il y avait des collants qu'on pouvait se placer sur la peau, puis ils avaient été... c'était de la drogue. Et on espérait que à travers la peau, que la drogue pourrait traverser chez les enfants pour déjà les amener à se droguer. Ça n'a pas fonctionné. Par contre, on avait des gugus que l'enfant peut sucer, qui étaient recouverts de drogue. La police, voilà, quelques mois, en tout cas, peut-être 6-7 mois, peut-être un an, peut-être un an et demi, 2 ans, quelques mois. Et elle en a parlé. Et puis, bon, il y a eu plusieurs trucs dans le genre. Les adultes, des animaux humains, passaient dans les écoles élémentaires, distribuaient des cossins amusants. C'est extrêmement important pour Lagartha et pour Shambhala de se nourrir. C'est pourquoi, lorsqu'il y a eu l'entente avec l'Allemagne, il fallait absolument que les individus souffrent énormément, de façon alimentée. Alors, on exterminait, mais on exterminait que de quelle façon? On prenait les enfants juifs, on les plaçait dans des fours devant les parents et on les faisait brûler. Puis les fours, ça du verre, alors on peut voir. Et les enfants, on les assommait pas avant, on les plaçait là-dedans. Bon. Et après, on tuait les parents et après les grands-parents. Bon, on s'amusait comme ça pour faire souffrir. Il y a eu énormément d'atrocités comme ça. On parle de l'Allemagne. Je ne parle pas des Allemands. Les Allemands sont un peuple correct. Je parle de l'Allemagne de l'époque. Et c'est ce peuple-là qui s'est fait ramasser, comme le Québec pourrait se faire ramasser d'un bord ou de l'autre. Peut-être des deux côtés. Mais il fallait nourrir. Shambhala et Lagartha sont des mécaniques, donc ils vont continuellement entretenir ces choses-là. Ils vont entretenir des trucs d'horreur. Ils vont entretenir un cinéma d'horreur. Ils vont entretenir des livres d'horreur, donc des écrits. Ils ont besoin de nourriture. Quand on parle, si on regarde historiquement parlant, on se dit tout le temps pourquoi ça ne va pas mieux. Et c'est ce qui arrive souvent quand l'individu commence à se conscientiser. Il ne comprend pas l'intelligence sous-jacente à toute la merde planétaire. Comprend pas l'idée. Et dernièrement, il y a une femme qui prenait son bain avec sa jeune fille, là, parce qu'elle est électrocutée pour rien. Pouf, elle est morte. Bon, voilà. Ça. Cette fille, elle a 3 ans, puis le bonhomme a une trentaine d'années, puis voilà, il y aurait que ça se démerder. Dieu est bon. Bon. Alors, on se demande, c'est quoi? Certaines personnes vont plantées dans la tradition, vont dire, ah, ben elle a dû commettre quelque chose, puis elle est punie. Mais c'est quoi un Dieu qui punit comme ça? Qui a-t-il puni? Le bonhomme, puis la petite fille. C'est bien simple. On a parlé de la réincarnation, la justice encore. Si tu viens au monde handicapé, c'est parce que dans ta vie antérieure, c'est tes parents qui payent le prix, pas toi. Bon. Et continuellement, les bons partent en premier. C'est vrai. On veut pas de bons sur la planète. Alors, il y a une mécanique qui fait en sorte qu'il y a énormément de souffrance, il y a énormément d'individus qui découvrent. Et la majorité des personnes qui sont dans une phase de transition, donc, vont se faire récupérer par les mécaniques shambhalaïennes où on va essayer de les culpabiliser au maximum. On va leur faire prendre des choix qui n'ont aucun sens, que ce soit au niveau de l'emploi, au niveau de la famille. Souvent, la famille devient un problème. Mais plus il y a d'individus qui parviennent malgré tout, dont leur génétique, leur conscience et la structure réincarnationnelle est suffisamment en affinité avec intelligence, donc leur intelligence, ils sont suffisamment centrés dans leur intelligence et non pas centrés dans le collectivisme, dans l'intellectuance collective, plus il y a d'individus qui vont traverser, plus cela fait en sorte de laisser dans le monde de la mort des structures manipulatrices qui vont être capables de manipuler les autres individus les plus accessibles pour que ceux-ci puissent plus facilement traverser. Donc, on revient à la manipulation. L'individu est manipulé, il est tiré d'un bord, tiré de l'autre bord. Oui, mais plus il y a d'individus qui traversent, il en faut un, il en faut deux, il en faut trois, il en faut quatre. Il y en a déjà quelques-uns quand même qui sont pas mal avancés là-dedans. Et ce que ça crée, ça fait en sorte que les individus qui suivent, c'est pyramidal. Plus il y a d'individus qui traversent, plus il y a de structures manipulatrices astrales qui vont forcer l'individu à faire le choix de l'homme nouveau, donc de la femme nouvelle et de l'enfant nouveau. Et plus, plus cela se fait, moins Shambhala et Lagartha ont de capacité à maintenir l'humain dans son évolution, donc dans l'évolution collective. La problématique, c'est qu'eux vont essayer d'aller se rechercher un regain d'énergie de façon à pouvoir se matérialiser complètement, puis normalement, ils devraient aller le chercher dans une troisième guerre mondiale. On va espérer qu'on va éviter ça. Mais ça restera de toute façon une guerre des autres. On n'a pas besoin d'espérer, si on a besoin d'en avoir une, on va l'avoir. Non, on l'aura pas. On passe à côté. Il y en a qui l'auront. Il y en a qui sont déjà en apocalypse. Il y en a qui la vivront. Ça ne regarde pas toute l'humanité. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, vous les écrivez et puis Charles va les poser. Alors on fait une petite pause, shambhalaïenne. Attends, caféenne.